Vous écoutez France Culture. Et lundi d'histoire, Philippe le Vilain. Contrairement à ce que vous venez d'entendre, les lundis de l'histoire sont présentés cet après-midi par Roger Chartier. En décembre 1987, j'avais enregistré une série de 5 entretiens avec Pierre Bourdieu pour l'émission de France Culture à voix nue. Ils furent diffusés en février de l'année suivante, 88, et rediffusé après la mort de Pierre Bourdieu, survenue le 23 janvier 2002. Dans le dernier de ces entretiens, je m'étonnais de son travail en cours consacré à Flaubert et Manet, ce qui était un peu surprenant pour ses lecteurs habitués à lire le sociologue de la distinction. Il l'expliqua ainsi. Je pense que ce qui m'y a conduit, c'est enfin, la logique normale de mon travail et en particulier la recherche de la compréhension du processus de genèse d'un chant. Parce que dans le cas, en tout cas, de Flaubert et de Manet, je pense que ce sont des personnages qui vont être considérés, au fond, comme des fondateurs de chants. Je prends l'exemple de Manet qui est le plus net. On avait une peinture académique, enfin, une peinture d'État. On avait des peintres d'État. Des peintres fonctionnaires, bon, qui étaient à la peinture ce que des professeurs de philosophie sont à la philosophie, bon, sans méchanceté. C'est-à-dire des gens qui avaient une carrière de peintre, qui étaient recrutés par des concours, qui avaient des classes préparatoires, l'équivalent exact des classes préparatoires aux grandes écoles, avec les mêmes procédures de bizutage, de nivellement, d'abrutissement et de sélection. Un personnage arrive, qui est Manet, passé par ces écoles, c'est extrêmement important. Ça, c'est une chose que Weber dit en passant dans son livre sur le judaïsme antique. Il dit, on oublie toujours que le prophète sort du rang des prêtres et que Grand Thérésiarque est un prophète qui va dire dans la rue ce qui se dit normalement dans l'univers des docteurs. Bon. Alors Manet, dans ce cas, il est l'élève de couture, c'est un peintre semi-académique. Il commence déjà à faire des histoires dans l'atelier de couture, il critique la manière de faire asseoir les modèles, etc. Il critique les poses à l'antique. Il y avait ces extraordinaires trucs, des appareils sur lesquels on mettait le modèle pour qu'il puisse tenir. Il était ligoté pour faire un Saint-Sébastien pendant des heures, etc. Bon, il critique tout ça. Il conteste l'univers, bon, et il le défie sur son propre terrain. Voilà. À partir de cette date, à partir de 1987, Bourdieu n'abandonna jamais Manet. Il lui consacra plusieurs conférences. Il rédigea un livre sur le peintre, un livre jamais achevé, et finalement, il en fit l'objet de deux de ses derniers cours au Collège de France dans les années 99 et 2000. Aujourd'hui, ce sont les transcriptions de ces deux cours qui sont publiées par les éditions du Seuil et Raison d'agir. Leur édition a été très soigneusement réalisée par 5 chercheurs qui tous furent proches de Pierre Bourdieu, Pascal Casanova, Patrick Champagne, Christophe Charles, Franck Poupeau et Marie-Christine Rivière. L'émission de cet après-midi, transmise en direct, sera consacrée à cette publication de deux cours dans lesquels Bourdieu propose à la fois une interprétation sociologique de la rupture esthétique opérée par Manet et aussi une mise à l'épreuve de certains des concepts essentiels de tout son travail intellectuel, par exemple le concept de chant ou le concept de révolution symbolique. Le livre est intitulé en effet « Manet, une révolution symbolique », cours du Collège de France, 1998-2000, suivi, je cite toujours le titre, en l'occurrence le sous-titre, suivi d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claude Bourdieu. Marie-Claire, pardon. Ce livre sera discuté cet après-midi, présenté aussi par l'un des maîtres d'œuvre de l'édition, Christophe Charles, qui est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par Pierre Encrevé, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui organisa avec Rosemarie Lagrave un volume collectif intitulé « Travailler avec Bourdieu », dont il était l'ami, et ce volume a été publié par Flammarion un an après le décès du sociologue en 2002. À partir de 1987, donc, je le disais, présence de Manet très forte dans la réflexion et dans le travail de Pierre Bourdieu. Et Christophe Charles, on a l'impression qu'en son commencement, le projet de Bourdieu était de construire et donc de publier une histoire qui aurait comparé, marqué les décalages ou les ressemblances entre l'avènement d'un champ littéraire d'un côté et d'un champ artistique de l'autre dans la France du 19e siècle. C'est là son idée de départ. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans l'année qui suit la publication de ces conférences de 87, il annonce un livre, une note qu'il a en bas de page d'un des articles, qu'il veut publier un livre qui s'intitulera « L'économie des biens symboliques », c'est-à-dire qui englobera à la fois le champ littéraire et le champ artistique. Et le fait même d'avoir choisi comme titre pour l'ouvrage « Les règles de l'art », on voit bien qu'il joue sur l'ambiguïté du mot « art », où c'est à la fois les règles de l'art, mais au sens littéraire, et les règles de l'art au sens art artistique. Et dans beaucoup de passages des règles de l'art, il y a des passages qui sont des comparaisons entre Flaubert et Manet. Donc on voit bien que le projet commun était encore présent, mais finalement il s'est aperçu que ça n'était pas tenable, parce que c'était énorme. Déjà, les règles de l'art sont un gros livre. Et raconter à la fois la jeunesse du champ littéraire et la jeunesse du champ artistique, ça posait un problème de taille du manuscrit, mais aussi un problème aussi de dissociation, parce que les fonctionnants ne sont pas exactement les mêmes. Même s'il y a des principes communs aux deux champs, il y a aussi une temporalité propre à chacun, parce que la littérature a une évolution assez différente depuis très longtemps en France de l'art, et l'art lui-même est sous l'emprise beaucoup plus forte de l'État que ne l'est la littérature à la même époque. Donc il y a des variables importantes dont il faut tenir compte pour la comparaison. Alors Christophe Charles a fait allusion donc bien sûr à ce livre qui a été publié en 1992 et, comme il l'a rappelé, a pour titre Les règles de l'art et comme sous-titre Genèse et structure du champ littéraire, ce qui montre bien la limitation, si j'ose dire, à un immense domaine, mais qui mettait de côté le champ artistique très présent, comme vous le signalez, Christophe Charles, dans une introduction, un essai sur le livre, la publication des cours, très présent néanmoins parce que Manet est au moins 18 fois cité. Et alors les parallèles que vous évoquez sont des parallèles sur ce qu'il y a de commun dans les refus de Manet et Flaubert, ou ce qui est de commun dans la primauté qu'ils accordent l'un et l'autre à la forme sur les sujets. Oui, alors il y a ces principes de changement esthétique, c'est-à-dire l'artiste, au lieu de suivre des règles, ces fameuses règles, il les crée lui-même. Enfin, en tout cas, il veut en inventer de nouvelles. Il veut se libérer de la tradition des genres. Hein. Il veut réinventer le roman pour le cas de Flaubert. Il veut revoir la poésie pour le cas de Baudelaire, donner à la poésie une autre fonction que celle que les romantiques lui avaient donnée. Dans le cas de Manet, c'est aussi une remise en cause d'un certain nombre des principes acquis de l'académisme, c'est-à-dire en fait tous les grands principes d'organisation de l'espace, de la représentation de l'espace, du choix des sujets, de la hiérarchie des sujets. Donc on voit bien que c'est une révolution d'abord formelle. Mais je crois qu'il y a aussi une dimension politique, et je crois que c'est pour ça aussi que ce livre a rencontré un certain nombre d'autres interrogations de Bourdieu. C'est que nous sommes dans les années, donc fin des années 80, où il y a tout ce bouleversement dans les pays de l'Est, avec l'effondrement des régimes de type soviétique. Il y a aussi en France une certaine désillusion par rapport à l'expérience de la gauche au pouvoir. 88, c'est la réélection de François Mitterrand, mais sur des bases beaucoup moins idéologiques que celles de 81. Et puis, il y a toute l'interrogation que Bourdieu va commencer à avoir tout au long des années 90 sur la fonction et le rôle des intellectuels dans la société contemporaine. Donc, je crois que c'est un livre qui est à la fois en interaction, évidemment, avec des grands problèmes théoriques, comme il l'annonçait dans l'interview que vous avez citée, mais aussi avec des problèmes de l'heure, des problèmes de l'histoire, du moment même où il écrit ses livres. Mais Pierre Ancoré, dans ses refus qu'il marque, il y a aussi, dans les deux cas, le refus de ce qu'il appelle l'illusion réaliste ou le faux matérialisme, qui pour lui lie Flaubert et Manet. Et on va retrouver ce thème-là, qui est pas seulement le refus de l'art institué, qu'il évoquait, l'art officiel, mais aussi le refus de ce qui pouvait être à la même époque une forme artistique liée à une revendication républicaine ou révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est évident qu'il s'oppose au réalisme et à Courbet, mais de façon, ce qui est très important, il me semble que Bourdieu souligne souvent, c'est que sans doute un des tout premiers peintre à avoir assumé complètement la bidimensionnalité de la toile. Et que c'est d'abord ça, au fond, ce qui va changer avec la vision du monde qui change, c'est que soudain, ce n'est plus une fenêtre, le tableau n'est plus une fenêtre sur le monde avec une perspective qui met une profondeur, c'est un objet bidimensionnel dans lequel les figures seront plates, il n'y aura plus de modelés, etc. Et ceci, cette modification est telle que, d'une certaine manière, elle empêcherait de voir autre chose. C'est d'abord ça qui compte. Le sujet, l'anecdote, la narration disparaît au profit. C'est une peinture, d'une certaine manière, c'est une peinture pure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'allusion politique. Il y en aura, Maximilien, c'est fondamental. Mais il y a d'abord ce côté peinture pure où il est... Tout de même, en effet, sur ce point, on avance sur Courbet. Et donc, il est en avance parce qu'il rompt vraiment davantage avec l'académisme. Bourdieu rend tout à fait hommage à un critique qui est très très loin de lui, qui est Clement Greenberg, qui est vraiment le formaliste par excellence, qui est le premier qui montre cette bidimensionnalité radicale chez Manet, enfin, celui qui le montre le mieux en tout cas. Et je crois que Bourdieu est très frappé que Zola aussi prend Manet, Zola qui devrait être celui qui parle du social, prend Manet du côté de la forme. Ce qui frappe Zola, c'est aussi la révolution formelle. Pierre Crevé nous permet de passer de ce moment que vous décriviez, Christophe Charles, qui est le moment de 92, projet qui n'aboutit pas à publier un seul livre. Et vous l'avez rappelé, dans cette note, il annonce qu'il va publier le thème « J'analyserai ailleurs l'histoire des luttes que les peintres, et tout spécialement Manet, ont dû mener pour conquérir leur autonomie contre l'Académie ». Et pendant les années 90, il n'y a plus de traces visibles d'une production écrite de Bourdieu sur Manet, jusqu'à ce moment de ses cours de 1998-99, 99-2000, que vous avez édité. Et à votre avis, pourquoi est-ce que, et avec les analyses déjà esquissées par Pierre-Henri Crevé, pourquoi est-ce que Bourdieu, dans ce qui serait ses avant-derniers cours, puisqu'il aura encore une année de cours après, qu'il consacra à la réflexivité de la science, pourquoi est-ce qu'il, à ce moment-là, fait retour de manière très publique au Collège de France sur Manet ? Je crois que c'était parce que, justement, il avait ce remords de ne pas avoir terminé complètement les règles de l'art, enfin, d'en avoir donné qu'un seul des deux volets, et que c'était une façon de s'obliger, finalement, à reprendre le dossier, à revenir sur ce manuscrit inachevé et à aller jusqu'au bout. Et aussi, je crois, parce que on est dans un moment où, justement, il y a eu un peu ce moment un peu militant de Bourdieu, où il a été très en pointe dans différentes luttes, en 95, au moment des grèves, dans la fondation d'un comité pour le soutien aux intellectuels algériens persécutés par les problèmes liés à la guerre civile en Algérie. Il a aussi participé au mouvement social européen. Enfin, donc, il est très présent en tant qu'intellectuel sur la scène publique. Et je crois qu'il a un peu ce remords d'avoir été détourné, finalement, du travail scientifique par cet engagement. C'est aussi les années où il publie La misère du monde. Donc, on voit bien qu'il y a tout un pan, justement, d'engagement aussi bien social que intellectuel. Et c'est une façon, peut-être, de renouer le fil avec ce premier projet de qu'est-ce que c'est qu'une révolution symbolique, parce que sans doute ce contact avec le militantisme a montré justement la limite de l'action de l'intellectuel, le fait qu'il est en prise avec des forces qui le dépassent très largement, que maintenant les problèmes se posent à une échelle internationale. Et c'est peut-être une façon de retrouver un peu un contrôle, parce qu'il revient sur une période où on avait l'impression que les intellectuels arrivaient finalement à changer le monde. En tout cas, ces années 1860, c'est un grand moment d'émancipation de la vie publique en France, mais aussi plus largement dans le monde. C'est les années où on abolit l'esclavage, c'est les années où on abolit le servage, donc un grand moment où l'Europe et le monde s'ouvre à la liberté, et ça correspond aussi à un moment d'ouverture à la liberté de la littérature, donc avec Flaubert, Baudelaire, et aussi à l'art, avec Manet et les impressionnistes. Donc je crois qu'il y a une espèce de nostalgie, peut-être aussi, d'une époque où il y avait une sorte de coïncidence, de convergence entre les luttes sociales, les luttes politiques et les luttes intellectuelles et artistiques. Dernier trait sur cette histoire du livre, avant de entrer dans ce que sont ces cours. Entre 92 et les mentions dans les règles de l'art et les deux cours que vous publiez aujourd'hui, existe un manuscrit qui est aussi publié dans le livre et qui est très intéressant. Ce manuscrit inachevé, écrit avec son épouse Marie-Claire, et que vous datez fin 80, début des années 90, oui. Et qui évidemment était un brouillon peut-être, ou un premier état partiel du livre à publier, mais on a l'impression qu'ensuite il sert un peu de fondement, de base à ce qu'est le cours, même si le cours est très différent dans la manière en particulier, et puis dans l'information aussi. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des passages qui se répondent entre le cours et le manuscrit. Donc on voit bien que quand il préparait son cours, il devait reprendre le manuscrit, le développer, le rendre plus lisible pour partager avec un public, qui est quand même un public très large et qui est sollicité. D'ailleurs, c'est ça qui est original dans le cours. On voit que le public participe à la discussion, il pose des questions et Bourdieu, au début de certains de ses cours, répond aux questions parce que le public n'est pas complètement convaincu de la démonstration. Donc on voit bien que il se sert du cours, je crois, pour avancer aussi dans sa réflexion et pour préparer la version finale du manuscrit qu'il n'a pas eu malheureusement le temps de faire puisqu'il est mort prématurément. Mais je pense que ça devait être le dernier projet qu'il avait, en tout cas après l'arrêt de ses cours, de vraiment utiliser l'interaction du cours et l'approfondissement que le cours lui avait permis pour reprendre définitivement le manuscrit et aboutir à un vrai livre. Mais si on revient, Pierre-André, au titre « Manet, une révolution symbolique », qu'est-ce que vous croyez qui est le plus important dans le cours ? Puisqu'il dit, dans un des premiers cours, « Je ne dis pas que Manet est un prétexte, mais il est pour moi une occasion d'étudier une révolution symbolique. L'intention initiale de mon propos était, à travers l'analyse de Manet, de comprendre la logique spécifique, sur un cas très bien documenté, de ces révolutions qui changent la vision du monde. C'est une classe de phénomènes sociaux dans laquelle on peut mettre également les révolutions religieuses, artistiques, philosophiques. » Donc la question que se pose le lecteur, est-ce que Manet, comme il dit, est une manière d'entrer dans cette question dont Christophe Char rappelait qu'elle a pu pouvait avoir une grande actualité pour quelqu'un qui s'était engagé dans des luttes sociales et montrer que la domination symbolique était plus puissante, encore peut-être parfois, que les autres formes de domination. Ou est-ce que pour lui, pour vous, qui l'avez connu, Manet était, en tant que tel, une question, une préoccupation ? Oui, il disait toujours « je dois faire mon Manet ». Il ne disait pas « je dois faire ma révolution symbolique ». C'est mon Manet, il va falloir quand même que je l'écrive. À ma connaissance, je connaissais Bourdieu depuis 1968. C'est l'exposition, la grande exposition au Grand Palais de 83 pour les 100 ans de la mort de Manet qui déclenche chez lui le désir de revenir sur Manet. Il avait déjà été impressionné, je crois, en 1955, il commençait à être professeur, par la lecture du Manet publié par Bataille, qui avait fait grand bruit. Et là, il voit cette extraordinaire, cette formidable exposition, il faut bien le dire, avec ce formidable catalogue qu'il connaît par cœur. Et réellement, il a envie de faire son Manet. Alors, il se trouve que faire Manet, c'est traiter d'une révolution symbolique. Et que, il me semble, dans le cours, la première année, il pense surtout d'abord à la révolution symbolique. Mais plus il avance dans le cours, plus c'est Manet. Et puis, parce que soudain, il veut, il me semble, faire bouger la sociologie de l'art sur un point fondamental. La sociologie de l'art était surtout une sociologie externe. Et Bourdieu, toute sa vie, toujours, il faut dépasser les antinomies interne-externe, fond, forme, intelligible, sensible. Et donc, il voulait, au fond, que la sociologie pénètre dans l'atelier du peintre, le regarde faire, et soit capable de regarder les œuvres. Une sociologie de l'art qui parle des œuvres, personne ne l'avait jamais faite. Et je pense qu'il est passé d'un à l'autre, que la révolution symbolique, peu à peu, compte un peu moins que Manet. Mais néanmoins, c'est bien parce qu'il fait une révolution symbolique qui compte, parce que quand même, ce qu'il y a de formidable dans ce livre, que moi, je remercie infiniment les éditeurs de nous l'avoir donné, et il y a beaucoup de choses merveilleuses dans ce livre, mais d'abord, simplement, les cours de Bourdieu, assister. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu y assister. Entendre, c'est comme si on l'entendait. Et donc, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il commence par faire comprendre à tout le monde qu'on ne peut plus, aujourd'hui, appréhender ce qu'est la révolution, c'était parce qu'elle a eu lieu. C'est là, oui, une des difficultés, parce qu'est-ce qu'on en est frappé aussi, Pierre Encrevé a raison, que vous avez respecté dans la transcription, évidemment un peu lissée pour que ce soit un texte lisible, mais vous avez respecté au plus près, on peut le mesurer, puisque sur un site qui a pour titre, enfin ou pour nom, Pierre Bourdieu hommage, en un seul mot, blogspot.com, on peut entendre les 7 premiers de ces cours. Et donc, le lecteur qui voudrait le faire pourrait entendre et lire en même temps. Donc, la fidélité est très grande et une fidélité qui respecte, ce vient dire Pierre Encrevé, des digressions, des polémiques, des inventions, parfois des irritations quand les questions que lui envoient les auditeurs ne lui paraissent pas très bien fondées ou mettent en question ce qu'il a dit. Au-delà de cela, on sent une très grande difficulté pour lui. Une raison est celle qui vient d'être énoncée, c'est-à-dire qu'il est difficile de comprendre les révolutions symboliques. Dans les règles de l'art, il disait, une petite note, une révolution symbolique, celle qu'a opérée Manet, par exemple, donc dans ce livre consacré fondamentalement à Flaubert, c'est la référence à Manet qui introduit la note sur une révolution symbolique, celle qu'a opérée Manet, par exemple, peut nous être incompréhensible en tant que telle, parce que les catégories de perception qu'elle a produites et imposées nous sont devenues naturelles et que celles qu'elle a renversées nous sont devenues étranges. Alors il y a une première difficulté théorique, et puis ça c'est la difficulté pour la révolution symbolique. Puis il y a une deuxième difficulté, ça c'est celle de la difficulté pour Manet. Pierre Encrevé rappelait Bataille. Il y a une immense bibliographie. On a l'impression, au début de la deuxième année du cours, le premier cours de la deuxième année, il emploie les termes d'anxiété, d'angoisse, comme si les deux difficultés lui paraissaient presque insurmontables. Oui, parce que c'est effectivement un peintre qui a fait beaucoup écrire et dans toutes sortes de genres. Et du coup, comme il veut embrasser la totalité des aspects de l'œuvre et effectivement ne pas se limiter à faire une étude biographique ou une étude purement externe, mais entrer dans le travail du peintre, il faut à la fois connaître évidemment parfaitement tout le contexte historique, mais aussi toutes les interprétations qui ont été données de chaque tableau, puisqu'il y a eu plusieurs débats autour de plusieurs œuvres, sur des détails, sur des choses qui ont changé de regard en fonction de l'érudition. Donc, un sociologue ne peut pas se permettre de mettre ça entre parenthèses, sinon il risque de se ridiculiser s'il n'est pas au courant de dernières découvertes qui montrent qu'en fait le personnage qu'on avait identifié comme tel dans ce tableau n'est pas du tout celui qu'on croyait au départ, etc. Donc il y a tout un travail de réappropriation de la bibliographie et aussi de pas simplement arriver après tout le monde et répéter, mais réinsérer toutes ces analyses dans le schéma global, dans l'interprétation générale de la révolution symbolique. Donc il faut faire entrer tout cet apport d'érudition et puis tous ces regards d'historiens d'art dans un schéma qui n'a pas du tout été pensé par des historiens d'art. Donc ça fait quand même une double tâche assez compliquée. Est-ce que vous croyez qu'il y réussit, Pierre Encrevé? Quelles ont été les réactions des historiens de l'art à ce qu'ils ont pu lire de Bourdieu sur Manet? Ce qu'ils avaient pu lire, c'était dans les règles de l'art. Je ne connais pas. Alors, non, je ne crois pas que les historiens d'art aient réagi à ce genre de choses. C'est comme les linguistes, on ne réagit jamais au livre de Bourdieu sur la linguistique. Il y a une difficulté vraiment pour les historiens de l'art de se saisir de ce que fait Bourdieu. C'est difficile. Ils ne voient pas très bien ce qu'il apporte. Ils ont du mal à voir ce qu'il apporte de particulier. Après tout, ils connaissent tout ça. Il fait de la seconde main. Il n'apporte pas du tout d'archives personnelles. Donc pour eux, c'est des documents de seconde main. Et la réorganisation formidable que fait Bourdieu, elle leur échappe parce qu'au fond, c'est d'abord un changement dans la sociologie. À mon avis, ce n'est pas un changement d'histoire de l'art. C'est un changement dans la sociologie qu'il veut faire. Il veut montrer que la sociologie peut aussi s'emparer de ça. Non. Et une chose très importante, il me semble, donc c'est le premier cours, faire comprendre aux étudiants que pour savoir ce qu'est une révolution symbolique, c'est une révolution qui change la vision du monde, et donc elle change les catégories par lesquelles nous percevons le monde, et si elle est réussie, nous ne pouvons plus revenir à la vision antérieure. Il y a cette phrase formidable dont vous vous souvenez sans doute de Proust dans Les jeunes filles en fleurs, maintenant, ça n'étonne plus personne. On dirait une chose dingue. C'est ça qui est extraordinaire. Ça n'étonne plus personne. Et non seulement parce que maintenant tout le monde fait comme ça, mais parce que au contraire, c'est reversé au classicisme. On dirait une chose dingue. Et ça, c'est un élément que Bourdieu met en valeur, qui n'a guère été mis en valeur avant. Qu'est-ce que c'est que percevoir à chaque étape du temps une œuvre. Et là, la sociologie aide énormément. Percevoir aujourd'hui, même aujourd'hui, on ne perçoit plus, à mon avis, l'Olympia comme Bourdieu la percevait, parce qu'aujourd'hui, au musée d'Orsay, à côté, il y a l'Origine du monde de Courbet. Et donc, le scandale que faisait l'Olympia tombe d'un coup et devient compréhensible. Et la révolution symbolique réussie, c'est pas seulement qu'elle va réussir à changer la vision du monde, mais c'est qu'aussi, et c'est ça qui est extraordinaire chez Manet, elle va déclencher un mouvement de ce qu'il appelle une formation de champ, où toutes les institutions qui créent le nomos, la règle d'avant, vont s'effondrer. L'académie, les salons, tout ce qu'on veut. Et là, il me semble vraiment, l'historien d'art, je ne sais pas ce qu'ils en feront, mais il me semble qu'il apporte vraiment du nouveau. Il y a aussi sans doute aussi que ce soit une résistance à une notion qu'il nous faut peut-être maintenant définir de manière un peu plus précise, qui était cette notion de champ. Bien sûr, le monde de la peinture existe, un espace de la création artistique existe bien avant Bourdieu. À l'évidence, et il l'a dit lui-même, il y a une histoire de la peinture avant Manet. Mais qu'est-ce qu'il veut marquer lorsqu'il veut employer rigoureusement, et pas comme une métaphore ou une image, la notion de champ? Et pourquoi, justement, dit-il, dès le début de l'entretien que l'on a entendu pour commencer, que pour lui, il y a des fondateurs de champ, donc fondateurs de quelque chose qui n'est pas avant. Qu'est-ce qui n'est pas avant et que le champ donne visible et réel? Bien, en fait, c'est la capacité pour l'artiste de créer ses propres règles, c'est-à-dire la légitimité qu'a l'artiste maintenant d'être le maître de son travail, alors qu'avant, il devait d'abord apprendre son métier, exactement comme quand on devient professeur, comme on devient médecin, il faut appliquer un savoir qu'on vous transmet, et on ne va pas inventer, réinventer, ni la médecine, ni la pédagogie, en principe. Tandis que l'artiste, maintenant, qui jusque-là était artisan, en tout cas qui suivait la formation académique ou dans des ateliers, va pouvoir, bien entendu, ne pas complètement l'oublier, mais pouvoir réinventer sa façon de travailler, les sujets, principe même d'organisation de l'espace, comme l'a expliqué Pierre Encrevé, c'est-à-dire le tableau n'est plus conçu en fonction de soucis de réalité ou de rendre l'illusion de la profondeur. Il va aussi changer les gammes de couleurs. Enfin, on sait très bien que l'impressionnisme a complètement modifié la façon dont on rend la lumière, dont on rend les ombres, dont on rend les détails du changement de la lumière au cours de la journée. Il va pouvoir aussi aborder des sujets qui étaient impensables à certaines époques. Enfin, le fait de mettre une prostituée sur un tableau, c'est ça le scandale. C'est pas le fait qu'elle soit nue, ça, les nues, il y en a partout, mais c'est le fait que c'est quelqu'un qui n'est pas un sujet digne de la peinture. Donc c'est le peintre qui invente le choix de la dignité du sujet, alors qu'avant il y avait des règles imposées par la tradition. Donc tous ces phénomènes font qu'une nouvelle façon d'être un peintre est inventée, et bien entendu, soit on s'y rallie et on crée un pôle opposé au pôle officiel, enfin à l'institution officielle, soit au contraire on le rejette et le peintre donc devient un hérésiarque, et donc on a un peu le schéma de la religion établie face à une hérésie qui soit survit, et à ce moment-là le champ est durablement fondé, soit va être, comme ça a été aussi malheureusement le cas au cours de l'histoire des religions, écrasé, et du coup l'institution gagne et le champ a disparu. Donc on est dans ce moment un peu de tension, d'établissement d'un nouveau, nouvel fonction indépendante de l'institution officielle. Alors, ce que Bourdieu insiste aussi beaucoup sur le fait, c'est que Manet, malgré tout, a été produit par effectivement l'institution et va retourner contre l'institution les armes qu'elle lui a données, c'est-à-dire sa connaissance du métier. On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir le métier, puisqu'il l'a appris, sa connaissance de l'histoire de l'art, puisqu'il a fait des voyages, il a recopié les grands peintres, ça, donc on ne peut pas l'accuser d'ignorance, mais il sait parfaitement ce qu'il veut faire et ce qu'il refuse, puisque il a maîtrisé les règles et en même temps il subvertit les règles. Donc ça crée effectivement cette opposition qui est pour Bourdieu la naissance d'un champ. Mais pour que les deux notions s'associent, celle de révolution symbolique et celle de champ, finalement, il faut le raisonnement selon lequel, parce que les artistes, comme vous l'avez très bien décrit, en l'occurrence Manet, imposent une position de la plus forte et de la plus radicale autonomie, qu'à partir de là, les positions qui étaient ordinaires, dominantes, deviennent un autre pôle, un pôle qui va être progressivement repoussé, stigmatisé, disqualifié, lorsque le phénomène de la révolution symbolique entraîne de plus en plus de peintres, de plus en plus de critiques et de plus en plus de spectateurs. Et c'est cet effet-là qui est complexe, qui fait qu'il y a une dynamique dans la création du champ et que, même si la formule est un peu abrupte, on va y revenir au début de notre seconde séquence, certains artistes, Flaubert, Baudelaire, Manet, peuvent être considérés comme des fondateurs de quelque chose qui existe déjà comme espace d'une pratique picturale, mais qui va se cristalliser à partir du moment où la manière de peindre ou d'écrire en poème ou d'écrire en roman qu'ils imposent devient la dominante pour une révolution symbolique réussie. Et du coup, crée par différence un pôle opposé qui sera la littérature industrielle ou la peinture académique ou la poésie convenue. Et je crois que c'est ça la force de ce raisonnement et peut-être ce que ne voient pas les historiens de l'art qui ne perçoivent dans ce qu'écrivent les sociologues en général et parfois les autres historiens sur l'art que quelque chose qu'ils pensent savoir déjà, mais qu'en fait ils ignorent. Oui, en effet, tout à fait. Je pense. Mais d'ailleurs, je crois tout de même que ce livre-là, qui est beaucoup plus important que ce que Bourdieu avait publié jusqu'à présent sur Manet, sera probablement lu tout de même en détail et pourrait constituer pour beaucoup d'historiens de l'art aussi des pistes de réflexion nouvelles. Et je crois qu'il y a déjà maintenant un certain nombre de gens qui se posent des questions autrement à partir de Bourdieu. Mais c'est vrai que la publication des cours sera fondamentale de ce point de vue. L'émission de cet après-midi, transmise en direct, est consacrée au livre de Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique. Il s'agit de la publication par Raison d'agir et par les éditions du Seuil des cours que Bourdieu a donnés sur Manet au Collège de France entre 1998 et 2000. Ce livre, je dois le dire, est aussi la publication d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu, son épouse, consacrée à Manet. Et pour les lecteurs, il faut leur indiquer qu'il est agrémenté, mais c'est au-delà de l'agrément, parce que cela permet de suivre les démonstrations de Bourdieu d'un très beau cahier de reproduction, à la fois des grands tableaux de Manet et des tableaux avec lesquels Manet pouvait jouer comme inspiration, parodie, décalage. Donc c'est un très bel objet, indépendamment de ce que nous discutons aujourd'hui, c'est-à-dire cette manière sociologique de comprendre la rupture symbolique opérée par Manet. En 1987, dans l'entretien que nous avions eu, je m'étonnais aussi du fait que Bourdieu puisse parler d'un fondateur de champ, alors qu'un champ est une structure qui a son propre existence, indépendamment de la décision démiurgique d'un artiste. Et d'autre part aussi, ce que posait la question de savoir ce qu'était pour lui une révolution symbolique. Entendons sa réponse. Institue un univers dans lequel plus personne ne peut dire ce qui est peintre et ce que c'est que de peindre comme il faut. C'est-à-dire, pour employer un grand mot, un monde social intégré, enfin celui que régissait l'Académie, est un monde dans lequel il y a un nomos, c'est-à-dire une loi fondamentale et un principe de division. Le mot grec nomos vient du verbe nemo, qui veut dire diviser, partager. Bon, et je pense qu'une des choses que nous acquérons à travers la socialisation, ce sont des principes de division, qui sont en même temps des principes de vision. C'est masculin, féminin, sec, humide, chaud, froid. Bon. Il y a un monde bien intégré, académique, un appareil, ça c'est un peintre, ça ce n'est pas un peintre. Ça c'est un peintre parce qu'il est patenté, parce que l'État dit que c'est un peintre, parce qu'il est certifié peintre, il a un certificat de peintre. Bon, c'était ça l'Académie. Du jour où Manet fait son coup, plus personne ne peut dire qui est peintre. Bon. Autrement dit, on passe du nomos à l'anomie, c'est-à-dire à un univers dans lequel tout le monde est légitimé à lutter à propos de la légitimité. Plus personne ne peut dire « je suis peintre » sans trouver quelqu'un qui dira « non, tu n'es pas un peintre » et je peux, au nom de ma prétention à la légitimité, contester ta légitimité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup de Manet que Bourdieu évoque là ? Il fait allusion, bien sûr, au scandale extrêmement violent qu'ont déclenché deux tableaux. D'abord, le déjeuner sur l'herbe et ensuite l'Olympia. Alors, le déjeuner sur l'herbe, c'est très intéressant. C'est en 1863. Manet le propose au salon. Il est refusé. Mais il faut bien prendre en compte qu'on refusait la moitié des gens qui se présentaient. Il y avait 5000 personnes qui se présentaient. On en prenait à peu près 2500. Si bien que l'empereur va visiter et décide de créer un salon des refusés, où on met les refusés à côté. Et là-dedans, il y a Manet, et dès le premier jour, il y a 7000 personnes qui viennent, et tout le monde s'esclave, se tord de rire, ou proteste violemment. Et la critique est extrêmement violente, parce que le déjeuner sur l'herbe, justement, brisé avec toutes les conventions dont a parlé tout à l'heure Christophe Charles, notamment la hiérarchie des genres, déjà, il le brise. Et il faut voir que ce sont des tableaux qui renvoient à d'autres. Des choses sur l'herbe renvoie tout près aux demoiselles du bord de Seine de Courbet, mais au-delà, bien sûr, au concert champêtre de Giorgione ou Titien. Et c'est donc un thème classique. Au lieu de traiter classiquement, il va le traiter tout à fait autrement. Et on a ces deux. Bien sûr, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais enfin, déjeuner sur l'herbe, c'est donc un déjeuner où on voit deux rapins entièrement habillés, avec entre eux une femme totalement nue qui n'a pas l'air. Qui ne ressemble pas vraiment à une femme bourgeoise, en tout cas, et dans l'arrière-plan, une autre femme qui se baigne. Et c'est traité de façon, là encore, sans profondeur. Alors, on proteste, parce que ce n'est pas normal de mettre cette femme nue avec deux hommes habillés, mais on proteste aussi parce qu'il n'y a pas de perspective, c'est mal peint, il n'y a pas de modelé, c'est à plat. Bref, il ne sait pas peindre, et en plus, il peint des choses inconvenantes. Et il y aura des critiques extrêmement violentes, et Manet en sera extrêmement affecté, et peu à peu, pourquoi ça va tout de même contribuer à créer le champ. C'est redoublé après avec l'Olympia, qui lui est présenté au salon. Il date de 63, mais il est présenté au salon de 65. Et là, à nouveau, les gens viennent le voir pour rire. Mais ce qui va se passer, c'est que très vite, notamment dans l'article 67, un certain nombre de gens très importants vont prendre sa défense, et notamment Zola. Et pourquoi ça déclenche justement cette fondation de champ ? C'est parce qu'une partie de la critique va réagir et va donc fonder ce pôle dont vous avez parlé tout à l'heure. Et à partir de là, ce champ va mettre très longtemps à se constituer. Parce que Bourdieu dit quelque part que le déclenchement est fait par Manet, mais ça va pratiquement jusqu'à Duchamp, pour avoir la révolution symbolique complète, jusqu'à Marcel Duchamp, dont je pense que Bourdieu aurait bien aimé pouvoir aussi travailler l'histoire. Et ce coup, c'est d'abord ça. Et c'est un coup fondamental. On peut toujours dire, mais il y avait déjà des gens très différents avant Manet, bien sûr, Courbet ou Corot. Monet dit que c'est Corot, le fondateur de la peinture moderne. Mais en réalité, celui qui fait la fondation sociale, c'est Manet. Et là, il revient très souvent sur ce tableau, au début, à la fin du cours, dans la mesure où pour lui, comme vous venez de le dire, la rupture, c'est que ce tableau est trop grand pour une scène de genre. Il est trop contemporain avec ses jeunes peintres et cette jeune femme, peut-être modèle, pour un nu féminin, qu'on appelait Christophe Charles. Il y en a des centaines, des milliers, mais dans des contextes mythologiques ou historiques. Il est trop équivoque pour une scène de pastorale, et finalement, fondamental, il est à toutes les distances possibles des manières classiques de peindre. Et en même temps, c'est pour ça que ce qu'on avait dit dans le commencement peut avoir une validité, c'est-à-dire qu'il y a une rupture totale, on n'aura pas le temps de la détailler, mais les lecteurs se reporteront une rupture totale avec les critères de l'académisme qui gouvernait le salon et des manières de peindre, mais aussi en rupture avec la tendance réaliste qui, politiquement ou de manière de contestataire, peut accompagner Manet, mais en général respecte les principes de cette peinture de la perspective, de la profondeur, du modelé, et donc ne représente pas une révolution symbolique dans la manière de voir ou de peindre les tableaux, mais un déplacement dans les thématiques des tableaux. Alors, Christophe, le cœur du livre de Bourdieu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ceci est possible. Pourquoi Manet, en 1863, fait son premier coup, et puis 1865, son second coup. Et quelle est la réponse qu'il apporte? Pour lui, où est-ce qu'il faut chercher pour rendre compte d'un geste d'une rupture aussi violente? Alors, dans le manuscrit, justement, pour éviter qu'on ait l'impression que c'est le créateur qui fait tout, il inverse complètement la démarche qu'il a dans le cours, c'est-à-dire qu'il part des contextes complets, à la fois le contexte institutionnel, le contexte de formation des peintres, le contexte d'exposition des œuvres, etc. Il part aussi de ce qui est un élément important pour se faire connaître dans le monde artistique à l'époque, c'est-à-dire le relais de la littérature et le relais de la critique d'art, hein, qui permettent à des peintres d'être remarqués, parce que ces milliers d'œuvres sont énormes. Enfin, il y a des dizaines de tableaux sur le même mur, donc pour arriver à se distinguer, il faut quand même que quelqu'un en parle, qu'un journaliste remarque le tableau, en fasse un commentaire. Donc, il y a cette explosion de la presse qui est un allié possible, mais qui est aussi un obstacle, parce que les journalistes de l'époque ne sont pas beaucoup mieux formés, enfin sont assez mal formés à l'art, et parfois réagissent de façon aussi stupide ou aussi primaire que le public lui-même. Donc avoir des alliés comme a pu en avoir Manet, c'est-à-dire des alliés de poids comme Zola, Mallarmé, Baudelaire, c'est évidemment un atout essentiel pour rompre le mur du ridicule et le mur de l'incompréhension. Et puis, il faut aussi des alliés au-delà, c'est-à-dire des gens qui croient en vous, des acheteurs. Hein. Il faut quand même si Manet avait la chance, c'est ça qui a fait sans doute qu'il a pu tenir, il avait la chance d'avoir de la fortune et donc il a pu se passer de vendre pendant une assez longue partie de sa carrière. Mais à la longue, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'acheteurs qui prennent plaisir à ces tableaux, les prennent chez eux et éventuellement ensuite les lèguent à des musées. Or, c'est ce qui s'est passé progressivement au fil de cette révolution symbolique. Donc, il y a tout un tas de relais. Et Manet, tout seul, évidemment, ne pouvait pas tout seul gouverner tout cela. Il fallait avoir ses alliances, ses soutiens, cet environnement positif. Et il a eu aussi la chance que la République arrive. Hein, parce qu'il faut quand même dire que la République a été le régime qui a libéré quand même de la tutelle trop prégnante de l'académisme et du salon en permettant une ouverture de l'espace d'exposition, ce qui a permis à des tas de tendances artistiques qui jusque-là n'étaient pas admises d'accéder à la visibilité. Donc il y a tout un tas de facteurs collectifs et de facteurs d'environnement historique qui sont plus finalement développés dans la dernière partie du livre, parce qu'il avait commencé par cela dans le manuscrit, qui sont évoqué dans le cours, mais de façon moins centrale. Donc, le schéma général, enfin, il a fait un schéma dans le manuscrit, c'est habitus croisé avec chance. C'est-à-dire, en gros, il faut les caractéristiques originales qui font que Manet est Manet en tant que personne sociale et en tant que peintre, et il faut qu'il tombe dans un monde artistique qui a des tensions internes qui vont faire que le point où il va s'appliquer pour le faire exploser, ça va fonctionner. Parce qu'on a des cas d'exemples antérieurs, des résiarques qui sont tombés à contre-courant complet des tendances de leur époque, et on les a redécouverts plus tard. Mais ils n'ont pas, sur le champ, fait est ce coup qui a permis à ce champ justement d'émerger. Donc il y a une complexité d'entrecroisement de facteurs, et ne parler que de Manet tout seul, ça serait trahir justement la vocation du sociologue, qui est de relier l'individu à la société globale. Et en même temps, là, c'est une remarque que vous faisiez sur l'attrait de l'histoire de l'art pour les biographies. Il n'y a pas une biographie de Manet, mais il y a une analyse sociologique de l'individu. Et dans ce cas, Bourdieu souligne deux éléments qui, dans les transformations que vient de rappeler Christophe Charles, peuvent créer la différence. Pourquoi Manet et pas un autre ? C'est d'une part le capital social, c'est-à-dire que Manet est un individu, vous évoquez son niveau de fortune, mais aussi des systèmes de relations, donc un capital social fort. En même temps, une familiarité à la fois politique et artistique avec des milieux qui sont les milieux de la bohème, alors que lui n'y participe pas directement. Et puis, chose fondamentale, un capital esthétique, un capital qui est lié à sa très profonde connaissance de la peinture acquise dans ses ateliers, celui de couture qu'évoquait au tout début Bourdieu, qui est à la fois une inculcation de normes mais aussi une possibilité de prendre distance par rapport à elle, et qui d'autre part donne à l'état pratique une connaissance de l'histoire, ce qui était un des points, si je me souviens bien, de rapport avec Flaubert, c'est-à-dire une référence contre la médiocrité de leurs contemporains à des autorités anciennes. Dans le cas de Flaubert, il parle du rapport Flaubert-Balzac. Et dans le cas de Manet, vous l'avez déjà signalé, les rapports, puis dans de nombreux tableaux rendus explicites, avec Goya pour l'exécution de Maximilien, avec Giorgione ou le Titien pour le déjeuner sur l'herbe, avec une Vénus du Titien pour l'Olympia. Alors, Pierre Agrovet, c'est là, on trouve l'essence du travail de Bourdieu, là, avec cette manière de traiter la biographie en rapport avec des propriétés qui expliquent la possibilité d'une rupture. Oui, c'est-à-dire que Bourdieu, dans le champ, dans la théorie du champ et de l'habitus, dans le rapport entre les deux, il fait toujours intervenir les dispositions qui sont souvent héritées, mais qui peuvent aussi être acquises, les positions qu'on tient dans un champ, et les prises de position, et les tableaux, les œuvres sont des prises de position. Et chez Manet, ce qui l'étonne, ce qui l'intéresse, c'est qu'il découvre une double disposition, une disposition subversive et une disposition soumise. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on dit révolutionnaire, Manet, ce qu'il voulait, c'était entrer au salon. Ce n'était pas écrouler les salons. C'était être reconnu par l'Académie, et non pas descendre de l'Académie. Il n'a pas des positions violentes qu'on trouvera chez d'autres. Gauguin ou Van Gogh ne veulent pas entendre parler des salons. Mais lui, au contraire, il veut être reçu par la société bourgeoise, qu'il reçoit d'ailleurs chez lui, avec sa femme qui joue du piano. Et en même temps, tous les soirs, il va voir les rapins et les bohèmes au café Gerbois. Et ce double habitus, c'est certainement... Et bon, là, je pense que Bourdieu fait vraiment un progrès sur l'histoire de l'art à ce moment-là, et déterminant dans ses choix esthétiques et dans ses choix, bon, qui dira esthético-politiques. Et je pense que s'il peut être lui, pourquoi Manet va ébranler le champ, c'est à cause de tout ça. C'est ce double habitus qui fait aussi qu'il s'entend spécialement bien avec Mallarmé, qui n'aurait jamais supporté cette brute géniale qui était, c'est les termes de Manet, qui était Courbet. Mais ce côté bourgeois, ça va très bien entre eux. Dans le livre, il y a cette belle citation pour montrer, parce que c'était une préoccupation aussi de Bourdieu, c'est-à-dire, vous l'avez dit, d'entrer dans l'œuvre, mais pratiquement même entrer dans l'acte de production de l'œuvre. Et il dit, en parlant de Manet, il avait donc dans le corps, dans l'œil, dans la main des tableaux. Et j'emploierai à ce propos la métaphore de Saussure qui dit que la langue qu'il oppose à la parole est un trésor. Ces tableaux, Giorgione, Titien, Velázquez, Goya, ces tableaux constituaient pour Manet une langue spécifique, une langue artistique, un trésor constitué de tout l'acquis de l'histoire de la peinture, c'est-à-dire un réservoir d'idées, de formes accumulées par la tradition, un réservoir de sujets. Sujets, on l'a vu, avec le décalage des sujets, mais surtout le plus important, là, dans ces parties où il essaye d'entrer dans le... plus que dans l'atelier, dans la palette de Manet, c'est trouver des solutions à l'état pratique pour faire cette peinture sans modeler, sans perspective, sans profondeur, dans les références à cette connaissance incorporée de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est quand même un exercice fondamental de la sociologie de Bourdieu, c'est toujours de ne pas s'arrêter à l'opus operatum, mais de remonter au modus operandi. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le faire du peintre, entrer dans l'atelier. Et il y a quelque chose de très intéressant. Il pense toujours, il donne la phrase de Durkheim, l'art, c'est une pratique sans théorie. Et il récuse tout à fait les analyses de Manet comme il y a eu des intentions. Ce n'est pas des intentions, ce sont des dispositions. Et il essaye de fonder, Pierre Bourdieu, dans ce livre, une esthétique dispositionnaliste qui consiste précisément à rendre compte de l'œuvre que l'on voit à partir des dispositions sociales et de toutes sortes du peintre. C'est pour ça aussi, Christophe Char, que dans ce livre, on l'a même entendu tout à l'heure dans la bouche de Bourdieu, il y a de très nombreux parallèles inattendus. Des parallèles avec la religion, référence à Weber, référence aux hérésiarques, et des parallèles avec les arts de faire ou le sens pratique. Et il compare quelquefois les femmes kabyles et Manet pour cette raison, c'est-à-dire l'effectuation en acte. Oui, je crois qu'il y a même des passages où il invoque l'inconscient, c'est-à-dire que à travers les réactions que suscite une œuvre, on peut voir que si ça choque, c'est parce que ça remue quelque chose de très profond dans les hommes, et on peut supposer que ça a déjà en soi remué l'inconscient du peintre. En tout cas, s'il a choisi de représenter telle chose ou de telle façon une chose, c'est parce que ça le bouleversait lui-même, et il sentait que ça allait aussi bouleverser son spectateur. Donc il y a aussi tout un travail presque de psychanalyse des œuvres, puisque j'ai une citation, la page 684, il dit « Le travail formel est l'occasion d'une sorte d'anamnèse pratique qui incarne dans des formes sensibles des déclencheurs ou des moteurs symboliques propres à mettre en mouvement à leur tour les inconscients historiques, entre guillemets, des récepteurs produisant un effet de séduction ou de scandale. » Donc, les réactions suscitées permettent d'aller beaucoup plus en profondeur dans ce qui s'est passé dans, effectivement, le travail psychologique qui a préparé le travail manuel, mais aussi dans ce qui va se produire quand le spectateur lui-même va recevoir cette image. Donc, on voit que c'est une ambition d'aller beaucoup plus loin qu'une simple description esthétique ou qu'une simple analyse formaliste d'une œuvre. Il s'agit vraiment d'aller au plus profond de la relation peintre-spectateur ou peintre par rapport à ses prédécesseurs, puisque aussi certaines œuvres sont construites par opposition ou différence avec des œuvres antérieures. Alors du coup, dans les quelques minutes qui nous restent, deux points qui prolongent ce que vient de dire Christophe Charles. Le premier, c'est le fait que ce travail sur Manet n'est pas le seul rapport de Bourdieu avec les peintres et la peinture. En 1994, il publie un dialogue qu'il a eu avec un artiste qui est plus qu'un peintre, c'est aussi un créateur d'installation, Hans Hacke. C'est un livre publié au Seuil et aux Presses du Réel sous le titre Libre échange, d'un côté. Et de l'autre côté, vous le savez par expérience, il y avait chez Bourdieu un attrait, une fascination, une grande attention donnée à des peintres contemporains. Par exemple, Soulage. Mais pour vous, Pierre Crevet, c'est des rapports très différents. Avec Manet à queue d'un côté et puis Soulage ou Manessier de l'autre. Oui, mais je mettrais quand même Manet du côté Soulage aussi. Bon. Non, je pense que... Non, à queue, c'est un cas particulier. Vraiment, Bourdieu vient de finir les règles de l'art et la fin des règles de l'art, c'est ce chapitre tout à fait à part qui s'appelle « Pour un corporatisme de l'universel » où il appelle à ce que tous les intellectuels, artistes, écrivains, savants, s'unissent dans une internationale des intellectuels pour défendre l'autonomie menacée. Parce que Bourdieu prend quand même conscience, une chose très importante, et avec Hacke, il en parle beaucoup, sur le champ artistique, la menace que fait peser le marché. Le marché qui a tendance à considérer les œuvres d'art non comme des biens symboliques, mais comme des biens matériels sur lesquels on peut spéculer sans problème. Et il voit chez Hacke, qui est un peintre conceptuel qui fait des installations, mais des installations politiquement très orientées, il y voit, comme lui, un intellectuel critique. Donc il le traite beaucoup plus comme intellectuel critique que comme créateur de formes esthétiques. Il ne fait quasiment pas allusion au fait qu'il y aurait une esthétique chez Hacke. Il y a une intervention sociale et politique. Oui, il appelle ça des actes symboliques qui viennent. Alors par ailleurs, et bien avant, dès le début des années 80, il se trouve que moi j'étais très ami avec Manessier d'une part, Pierre Soulages de l'autre, et Pierre Bourdieu avait très envie de la rencontrer. Donc j'ai emmené dans les ateliers de l'un et de l'autre. Et il est devenu ami de l'un et de l'autre. Particulièrement de Soulages, parce que son atelier était plus proche, même si c'était beaucoup plus loin. Et puis, il avait des affinités de toutes sortes avec Soulages. Ils adoraient aller au rugby. Et, il se trouve que Soulages, spécialement, avait, du point de vue de l'habitus d'origine, des points communs avec Bourdieu. Il y a toujours. Il s'est créé une amitié. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en face des œuvres de Soulages, il n'avait pas du tout un réflexe de sociologue. Là, c'est la belle formule de Lacan, pour voir un tableau, il faut laisser tomber le regard, déposer le regard comme on dépose des armes. Là, il acceptait de déposer le regard et il se livrait au voir, c'est-à-dire à la pulsion scopique, tout simplement. Et de temps en temps, dans son livre, il fait allusion à ce qu'il fait vibrer. Et là, il acceptait de vibrer. Donc, il n'avait pas du tout envie, il ne m'a jamais poussé, moi qui travaille beaucoup sur Soulages, à aller du côté de la sociologie. Il avait aussi ce plaisir dont il n'avait pas l'occasion de parler dans son livre, mais un plaisir normal que tout le monde a, qui est le plaisir esthétique pur, dans lequel on a, oui, l'intelligible, tout ce qu'on a pu comprendre a beaucoup compté, mais là, d'un coup, on est devant le voir. Et c'est quand même Soulages a fait une œuvre étonnante avec 750 tableaux noirs aujourd'hui, tous dont aucun n'est vu noir. Et Bourdieu était fasciné totalement par cette œuvre. Et là, réellement, pour moi, ça, il est aussi du côté de Manet. Je pense qu'il était fasciné par Manet, que dans son livre, il ne va pas jusqu'à dire ce qu'il fait vibrer et pourquoi il vibre, mais en fait, il aimait la peinture de Manet comme peinture, pas seulement comme lieu d'exercice de son travail de sociologue. Ce qui est d'ailleurs, on peut juste dire que les peintres lui ont rendu, d'une certaine façon, cet hommage, puisque le 2 mars 2002, après son décès, au Centre Pompidou, il y a eu un hommage rendu par Soulages, par Accueil et par une série d'artistes. Alors l'autre point avec lequel on va terminer, Christophe Charles, c'est est-ce qu'un parallèle est possible, je ne dis pas, entre Manet et Bourdieu. Bourdieu ne se prenait pas pour Manet, mais un parallèle est possible, comme le suggérait une des citations que nous avons entendues, entre une révolution symbolique en art, on en a vu les conditions de possibilité, on en a vu les expressions, et ce qui pourrait être une mutation profonde, parlons aussi de révolution symbolique, dans un champ de savoir, par exemple les sciences sociales et humaines. Est-ce que de ce point de vue-là, vous pensez que Bourdieu s'identifiait à cette révolution, non pas pour comparer la grandeur du sociologue avec celle du peintre, mais parce que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Oui, je crois, parce que justement, j'ai regardé un peu la chronologie en préparant cette émission, et j'ai été frappé du fait que la première idée de ce livre sur Manet, là, qui est vers 82 dans un cours au Collège de France, c'est juste avant le livre qui s'appelle Homo Academicus, qui est une réflexion sur comment l'université française a été chahutée, transformée, bousculée par une révolution à la fois universitaire, mais aussi largement symbolique, qui a modifié l'espace des disciplines. Et je pense que également le projet qu'avait Bourdieu à travers sa revue Actes de la recherche en sciences sociales de faire dialoguer ou de faire se rencontrer des disciplines qui jusque-là avaient de plus en plus tendance à se tourner le dos, hein, l'histoire, la sociologie, l'économie, la linguistique, la philosophie même, je crois que c'était aussi une des ambitions qu'il avait de à son échelle, bien entendu, il ne s'agit pas de prendre les choses d'échelles différentes ensemble, mais à son échelle de modifier justement l'espace de fonctionnement des relations entre les disciplines et d'un certain côté donc de la vie intellectuelle elle-même. Alors du coup, on peut être amené à cette citation que je voudrais donner et qui est une citation où le parallèle est établi et qui va nous permettre de lier à la fois ce qui pouvait être ses propriétés spécifiques de Manet entre un habitus bourgeois. Il parlait même d'un nexus corporel bourgeois. Manet avait la réputation d'être élégant, distingué, et puis d'autre part, cet engagement artistique ou politique avec le monde de la bohème. Et du coup, il propose cette idée d'un habitus clivé qu'il s'applique à lui-même dans un texte très émouvant qui était le dernier cours du dernier cours, un esquisse d'auto-analyse qui est devenu un livre autonome et où, dans ce cas-là, l'habitus clivé, c'était entre le Béarn, les origines, et puis d'autre part, l'école normale supérieure, le monde parisien. Et alors, il réfléchit sur qu'est-ce qui fait qu'une rupture est possible. Et voilà cette citation. Je pense qu'il faut très bien connaître du dedans un système, qu'il faut en être le produit, l'expression, pour être en mesure de le combattre en quelque sorte avec ses propres armes, pour le battre sur son terrain. Comment est-ce possible ? Si vous êtes imprégné jusqu'à l'os par un système, vous n'avez d'envie que de le reproduire, et vous y êtes tout à fait bien. Si qu'est-ce que c'est que ces personnages, du coup, qui, tout en étant tout à fait in, dedans, sont tout à fait out, dehors ? C'est cela, un révolutionnaire symbolique. C'est quelqu'un qui, complètement possédé par un système, arrive à en prendre possession en retournant la maîtrise qu'il possède de ce système contre ce système. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, enfin on peut penser, et je me terminerai avec ça, parallèle entre Bourdieu et Manet. Sur ce point, oui. L'émission donc de cet après-midi, présentée par Roger Chartier, avec Christophe Charles et Pierre Encrevé, était consacrée au livre de Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique, publié au Seuil et Raison d'agir. La prise de son était d'Alexandre Dang, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, cette émission vous sera présentée par Philippe Levillain, cette fois-ci, pour de bon. Et dans quelques instants, vous entendrez, c'est pas la peine de crier, l'émission de Marie Richeux.